Salut, c'est Projet Morse. Aujourd'hui, on va écouter la première partie d'une écoute commandée par le festival La Samhain, rencontre annuelle pour réenchanter la mort en 2022 à Émoutiers. J'arrive! J'aurais bien aimé encore une fois remplir d'étoiles un corps qui tremble et tomber mort, brûlé d'amour, le cœur en cendres. J'arrive, j'arrive, c'est même pas toi qui en avance, c'est déjà moi qui suis en retard. J'arrive, bien sûr j'arrive, mais je jamais rien fait d'autre qu'arriver. It's a, you know, Tibetan culture. We just, when the people die, we just bring the body to the grassland and then just feed for the birds. First, the family, they bring the body to the grassland and then the great Lama come and make him prayer. They have a special monk and he always got in the body. And after then the carter will cut the body in small pieces. And then the vulture come to eat. The vulture come to eat. And then the garden will smash the bone. Also eat by the birds. This is like a Tibetan culture. À Ouessant, où tous les hommes sont marins, la mer prélève sur la race un nombreux tribut de victimes. Les cadavres que l'on retrouve ont leur dernière demeure assurée dans le cimetière, mais la liste est longue de ceux que l'océan ne rend jamais. Pour que ces noyés sans sépulture ne soient pas condamnés à errer sans fin dans l'autre monde, les Ouessantins pratiquent pour le repos de leurs anaons un simulacre d'enterrement. L'ensemble de la cérémonie s'appelle un proella. Corruption peut-être du début de quelque hymne funéraire latine commençant, je suppose, par pro illa anima. On procède de la manière suivante. Dès que le syndic des gens de mer en résidence à Lille a été prévenu administrativement de la disparition d'un Nilien, il mande non la mère ou la veuve ou la fille du mort, mais l'homme le plus ancien de la parenté, et il lui fait part du décès probable du disparu. L'ancien se met aussitôt en route à travers l'île, entre chez tous les proches de la famille, dont le nombre dépasse quelquefois 60 et même 80, et leur annonce la triste nouvelle, en se servant de cette formule invariable, « Vous êtes avertis qu'il y aura, ce soir, proella chez un tel. » Et ce n'est qu'à la tombée de la nuit qu'il se rend à la maison du mort. Il entre dans la cour, à pas de loup, va regarder par la fenêtre si la femme qui ne sait pas encore qu'elle est veuve est chez elle, et s'il l'aperçoit dans la cuisine, frappe trois petits coups à la vitre. Après cette sorte de préambule et de préparation, il passe la porte en se contentant de prononcer la phrase sacramentelle « Il y a proella chez toi ce soir, ma pauvre enfant. » Les femmes du voisinage, accourues derrière lui, se précipitent alors dans la maison, et par leurs gémissements et leurs cris font bruyamment chorus avec la douleur de la famille. C'est ce qu'on appelle mener le deuil. Plus les plaintes sont aiguës et déchirantes, plus elles réjouissent l'âme du mort. Tout en se livrant à ces démonstrations, on va aux apprêts funèbres. Sur la table, déblayée des restes du repas, on étale une nappe blanche. Puis sur cette nappe, on dispose en croix deux serviettes pliées. Et enfin, au croisement de ces serviettes, on couche une petite croix, fabriquée instantanément avec deux de ces bouts de cire que l'on fait bénir à l'église le jour de la chandeleur. Cette croix est censée représenter le défunt. Une assiette dans laquelle on verse le contenu du bénitier de la maison et où l'on met à tremper un rameau de buis complète avec des chandelles allumées de part et d'autre sur les bancs, cette décoration funéraire improvisée. De tous les coins de l'île, cependant, les proches arrivent pour le proella et la veillée de mort commence. Une prieuse de profession récite les prières habituelles et l'assistance donne les réponses. Quelquefois, entre deux des profondis, la prieuse entonne l'éloge du disparu. Il y avait naguère dans l'île une vieille femme réputée pour ce genre de raisons funèbres, ou comme on dit, ses présèques. Le lendemain, le clergé vient, comme pour un enterrement ordinaire, chercher le corps, c'est-à-dire la petite croix de cire jaune, posée sur les serviettes blanches et portée à bras, ni plus ni moins que s'il s'agissait d'un vrai cercueil. Toute la foule suit, les hommes tête nue, les femmes encapuchonnées dans leurs mantes. Le catafalque est dressé au milieu de l'église pour recevoir la croix du proella. L'officiant célèbre la messe, donne l'absoute, puis va à une sorte d'armoire scellée dans le mur d'un des bas-côtés et y enferme la croix parmi nombre d'autres qui lui ont devancé. Elle demeurera dans cette sépulture provisoire jusqu'au soir du 1er novembre. Ce jour-là, à l'issue des vêpres, on transporte processionnellement toutes les croix de proella entassées au cours de l'année dans un monument spécial bâti au centre du cimetière pour servir de tombeau collectif à tous les soixantins disparus en mer. Et ce monument, semblable à une petite citerne que ferme un grillage, est désigné lui aussi par le nom de proella. Le cercueil de Valéry Giscard d'Estaing est entré dans l'église d'Othon ce samedi matin. Selon les souhaits de l'ancien chef de l'État, les obsèques se sont déroulées dans la plus stricte intimité familiale. Un moment accompagné de musique, trois musiciens de renom sont venus interpréter les morceaux favoris de l'ancien président. Que vous allez voir a été mise en œuvre à l'intention plus particulière des animateurs de la liturgie des funérailles. Elle s'adresse tout particulièrement aux laïcs qui sont appelés à diriger des funérailles. Cette cérémonie n'a rien d'exceptionnel. Un défunt âgé, une famille plus ou moins pratiquante, moins attachée à la foi que le défunt, et qui a perdu le sens d'un bon nombre des signes de la liturgie. Cela se passe dans une paroisse moyenne, il n'y a rien d'exceptionnel. Dans une équipe qui accompagne les familles en deuil, les rôles sont variés et demandent donc des compétences variées. Un sacristain est une personne indispensable. Sa présence permet à l'officiant de ne pas jouer à l'homme orchestre et d'être davantage disponible aux familles. Les études montrent clairement que les familles unissent dans un même souvenir la préparation et la célébration. Donc, pour être dans la continuité du premier accueil que vous aviez réservé à la famille, il est bon que l'accueil au moment de la cérémonie soit de la même qualité. Cependant, le contexte est tout autre. Vous n'êtes plus dans l'intimité d'un entretien, vous êtes dans le domaine public, au grand jour. Sincero, canto su vida y su muerte, del hombre que el mundo llora, porque fue un gran presidente, que detuvo la dicha, flor, en la guerra que pasara, el año 42, fue comandante de un barco, en las islas del oriente, nunca soñaba que un día podría ser el presidente. Anduvo por todo el mundo, no hubo enemigo capaz de atentar contra su vida a este gigante de paz. En la Alemania cautiva, sobre el cercado se vio brindarle un gran homenaje por la esperanza que dio. México le abrió sus brazos como a ninguno jamás. Kennedy hizo justicia regresando el chamizal. Kennedy se vino a Texas y a San Antonio llegó, entre homenajes y fiestas, el pueblo lo cautivó. Je veux être enterré à Orvilliers. Je ne veux ni fleurs, ni couronne, ni monument funéraire, bien sûr. Une simple dalle de pierre de taille, avec mon nom et les dates de ma naissance et de ma mort. Une messe sera dite à Paris, à Saint-Louis-en-Lille. Elle sera chantée en grégorien. Signé Georges Pompidou, août 1972. Telles sont les dernières volontés du président de la République, Georges Pompidou, écrites de sa main il y a un an et demi. Après s'être rendu quai de Béthune, où repose la dépouille mortelle de M. Pompidou, après avoir réuni à l'hôtel Matignon son gouvernement en conseil de cabinet, et après en avoir informé M. Alain Poher, qui assure l'intérim de la présidence de la République, M. Pierre Messmer a fait publier un communiqué indiquant « Respectant la volonté du président Georges Pompidou et à la demande de sa famille, une messe sera célébrée jeudi 4 avril à 11h en l'église Saint-Louis-en-Lille. La famille, les membres du gouvernement et les collaborateurs proches du président assisteront seuls à cette cérémonie de caractère privé. L'inhumation aura lieu à Orvilliers dans la stricte intimité familiale. Cette journée prendra un caractère de recueillement national auquel le gouvernement invite les Français à s'associer. » Je me souviens du visage d'un jeune homme qui, à peine entré dans l'agence, s'était directement dirigé vers moi, alors que j'étais assis de biais devant mon écran d'ordi. Je me suis aussitôt levé pour l'accueillir et nous n'avons pas eu besoin d'échanger beaucoup de mots pour nous comprendre. Silencieusement, il a rempli les formulaires administratifs que je lui tendais, l'un après l'autre, puis j'ai appelé le crématorium pour pouvoir lui dire la date et l'heure du recueillement. 5 jours plus tard, je le retrouvais avec son épouse à la chambre mortuaire. Nous étions tous les trois. Leur fils s'appelait Max Jacob. Entre-temps, j'étais allé à la librairie Chan, boulevard de Montparnasse, la plus proche de l'autre rive, pour acheter 2 livres de Max Jacob. Le laboratoire central et dernier poème, dans l'espoir d'y trouver un fragment que je pourrais leur lire. Je ne sais plus si j'en ai trouvé un qui soit juste eu égard aux circonstances. En revanche, je me souviens leur avoir lu un texte d'inspiration bouddhiste, La feuille et l'arbre, qu'une famille m'avait remis quelque temps auparavant. Puis je les ai laissés se recueillir. 20 minutes plus tard, je suis revenu avec un maître de cérémonie du crématorium, à qui j'avais demandé de porter le cercueil jusqu'à la porte d'entrée de la salle, et non vers celle sur le côté, car s'ils l'ouvraient en leur présence, on entendait trop distinctement la soufflerie des fours. Ce dernier s'éloignant d'un pas lent vers le cercueil, le père m'a regardé et d'une voix étouffée a dit « Il est parti ». Seul ici, je bifurque souvent pour me recueillir sur les tombes des enfants dont j'ai organisé les obsèques, puisque dans mon métier d'assistant funéraire, il m'arrivait d'accompagner de jeunes parents confrontés à cette épreuve. Si je me souviens précisément de l'emplacement de chacune de ces tombes, c'est parce que le fait d'avoir à les accompagner jusqu'à ce seuil en tentant de trouver des mots, des gestes, la juste distance, ce n'était vraiment pas évident. La première fois que j'ai eu à accomplir un rituel en leur seule présence, j'étais désemparé. Je ne savais pas comment faire, quoi dire, où me mettre. Récemment, j'ai appris que la première inhumation qui a eu lieu ici, au cimetière du Père-Lachaise, quelques jours après son ouverture, en juin 1804, c'était celle d'une petite fille de 5 ans dénommée Adélaïde Paillard de Villeneuve, fille d'un porte-sonnette du faubourg Saint-Antoine. Et le premier corps incinéré au crématorium du Père-Lachaise, en 1889, c'était aussi celui d'un enfant, paraît-il. Thank you. Yuan. Kıyık kıyık bombeyle, kıyık kızarımla, kancamı zor. Yeah. Sesin amfikam mun tiklo. Bu sesi tapin un stuma eva. Vimpursam retirun imatun yeni simplisin ete gestefanum apir un pevkaren ifestun el. I'm going to go to the hospital.

Il fait les gros titres des journaux télévisés européens. Le décès de Jacques Chirac a ému au-delà de la France. Parmi les premiers dirigeants à réagir, la chancelière allemande. On la voit ici aux côtés de Jacques Chirac en 2006. Par la voix de son porte-parole, Angela Merkel se dit très attristée par le décès de l'ancien président français. Il était un formidable partenaire et un ami. Je pleure avec sa famille et avec les Français. Un grand homme d'État et pour l'Europe. Au Royaume-Uni, le Premier ministre s'est extrait de la tourmente du Brexit pour saluer un formidable dirigeant qui a façonné le destin de la France. Le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, évoque lui un leader qui a marqué la politique européenne. Le président de la Commission européenne se dit dévasté. Pour lui, l'Europe perd non seulement un grand homme d'État, mais pour lui, c'est aussi un grand ami qui s'en va. Voici ce qu'il a déclaré. Je veux rendre hommage et honorer le travail considérable qu'il a accompli toute sa vie et son héritage pour la France et l'Union européenne restera jamais gravé dans nos mémoires. Le président russe Vladimir Poutine rend hommage à un dirigeant sage et visionnaire. Le chef du Kremlin, au pouvoir depuis 1999, a également fait part de ses condoléances à ses proches. En 2006, Jacques Chirac, alors au pouvoir, avait remis la Légion d'honneur à Vladimir Poutine. Au Liban, le Premier ministre Saad Hariri, dont le père était un grand ami de Jacques Chirac, déplore lui la disparition de celui qu'il qualifie de l'un des plus grands hommes de la France. En Afrique, le président gabonais rend hommage à un grand ami de son pays, amoureux sincère de l'Afrique, et à celui qu'Ali Bongo Ondimba considérait comme un père spirituel. On a dans notre pays le pouvoir de changer de vie. Thank you. Un jour, la France avait deux capitales, Jarnac et Paris, où, à l'exception du président américain Bill Clinton, représenté par son vice-président, M. Al Gore, tous les grands chefs d'État de ce monde étaient présents pour un hommage solennel dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, présidée par le chef de l'État, M. Jacques Chirac. Hommage solennel, mais émotion bien réelle parmi les invités. Philippe Arnaud. Le cadre grandiose de Notre-Dame de Paris n'empêche pas l'émotion des grands de ce monde. Helmut Kohl, le prince Charles, le roi d'Espagne, Yasser Arafat, Régnier de Monaco et Fidel Castro, Norodom Sihanouk. Le roi de Suède et John Major, tous unis dans un ultime adieu à François Mitterrand. Dans son homélie, le cardinal Lustiger va mélanger ces mots à ceux prononcés par François Mitterrand, car le verbe ne meurt pas. Pourquoi l'essentiel qui conditionne la vie des peuples et de l'humanité entière a-t-il désormais si peu de place en notre civilisation? Pourquoi, selon la phrase de François Mitterrand que je rapportais en commençant, vivons-nous ces temps de sécheresse spirituelle où les hommes pressés d'exister paraissent éluder le mystère? Barbara Hendricks. Personnalités, plus de 60 chefs d'État ce matin à Notre-Dame de Paris. L'hommage au président François Mitterrand était en fait le salut du monde à un homme de bonne volonté, comme le dit l'Évangile. Carry on, cause I know. Derrière un homme, une femme donne ses joies, ses larmes, partage le courage, traverse l'orage et la rage. Femme de militants sans palace ni Hilton, entend les cris de sa nation, passe des Rolling Stones. Dame de terrain, traverse le feu sans se brûler. Elle connaît les champs de guerre pour cultiver la paix. Reine d'ébène immaculée, tu partageais ta haine figée quand ton mari s'est fait tirer. Aujourd'hui c'est toi qui pars, briller au loin comme les lumières d'un phare. Briller plus haut, plus fort qu'une star. C'est toi qui pars, les Black Américains orphelins de l'histoire. On t'a jamais perdu une perle rare. Passe le bonjour à Malcolm de ma part, à Newton, Martin Luther. Dis-leur que Mandela n'est plus au mitard et que l'on garde l'espoir. Petit Chapa, son nom est gravé dans l'histoire. Une princesse est morte, sans flash ni escort. Sans bougie dans le vent, sans rose devant sa porte. Une princesse est morte, une femme de cœur, une femme forte. Morte, sans flash ni escort. Une princesse est morte, sans flash ni escort. Sans bougie dans le vent, sans rose devant sa porte. Une princesse est morte, une femme de cœur, une femme forte. Morte, sans flash ni escort. Rue de la Bienséance à deux pas du château. On trouva ce matin une malle d'osier renfermant les morceaux de Pélagie Rosier. Une ancienne danseuse des folies bergères, premier prix de beauté et de danse légère. Elle avait 60 ans, puis connue autrefois sous le fier pseudonyme de Lola Lola. Et des salles entières l'acclamaient en hurlant aux soirées de première. On a ouvert la malle et aussi une enquête. On attend les détails, la police est discrète. On pose des questions, on fouille l'entourage afin de découvrir l'auteur du découpage. Le revois-tu, mon âme, ce boulmiche d'autrefois, et dont le plus beau jour fut un jour de beau froid. Dieu, s'ouvrit-il jamais une voie aussi pure au convoi d'un grand mort, suivi de miniatures? Tous les grognards petits de Verlaine étaient là, tout sautant, frissonnant, glissant sur le verglas, mais qui suivaient ce mort et la désespérance morte enfin du premier rossignol de la France, ou plutôt du second. François de Montcorbier, voici belle lurette, en fut le vrai premier. N'importe, Lilian, je vous suivrai toujours, premier, second, vous seul. En ce plus froid des jours, n'importe, je suivrai toujours l'âme enivrée, ah, folle d'une espérance désespérée, Montesquieu faisant sac et Bibi la purée, vos deux gardes du corps, entre tous, moi, dernier. Tu t'en vas à la dérive sur la rivière du souvenir, et moi courant sur la rive, je te crie de revenir, mais lentement tu t'éloigne, et dans ma course est perdue. Peu à peu, je te regagne un peu du terrain perdu. De temps en temps, tu t'enfonces dans le lit. couvent ou bien frôlant quelque ronce, tu hésites et tu m'attends en te cachant la figure dans ta robe retroussée de peur que ne te défigure et la honte et les regrets. Tu n'es plus qu'une pauvre et pauvre chienne crevée au fil de l'eau. Mais je reste ton esclave et plonge dans le ruisseau quand le souvenir s'arrête et l'océan de l'oubli brise en nos cœurs et nos têtes. L'ami de Claire est venu trouver papa et lui a dit « Alors, monsieur Lafetta, vous avez une deuxième résidence à Limbrassac ?» Papa qui dit « Pourquoi vous dites ça ?» Qu'elle lui a dit au cimetière. Elle est allée voir. Elle avait vu qu'on venait de faire la tombe. Scand est venu, il m'a téléphoné. Voilà, c'est fait. Le caveau est fait. « Ah, je dis, c'est bien gentil. » Bon, le lendemain, j'y vais pour voir. Et j'arrive devant ma tombe. Oh, que c'était pire, mais magnifique. Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'il y avait autour. Elle est magnifique. D'abord, on ne voulait pas du marbre qui brille très, très fort, là, comme tout le monde a. Et on avait commandé une pierre qui vient d'Afrique. Donc, ça a pris 8 mois ou je ne sais pas quoi. Oh, parce qu'un an. Oui. C'est la plus simple qui existe, avec une petite croix, simplement en bronze de cette taille-là, c'est tout. Il ne reste qu'à mettre les chiffres de mort. J'ai été étonné, si tu veux qu'on mette notre nom. Moi, je m'en fiche. Qu'est-ce qui vient alors sur notre tombe, voir notre nom? Les gens ici n'aiment peut-être pas la simplicité comme nous. Hein. Moi, si tu Ils veux, aiment bien les monuments. Moi, là. J'aime bien les tombes comme ça. Il y a de très belles tombes, chacun peut à sa manière. Je sais pas si... D'abord, c'est une référence d'avoir une belle tombe. On est dans le cimetière. Il va falloir la trouver parce qu'on ne sait pas où elle est. On ne sait pas où c'est, non. C'est la plus belle. Ouais, on va trouver ça plus belle. Je crois que les plus récentes, elles sont sur la gauche. Ah, elle est là. Ah oui, j'avoue, elle est belle. C'est vrai qu'elle est différente des autres. Ça fait pas un peu... Ça fait un peu sous l'Arc de Triomphe. Ouais, un peu, ouais. Hein ? Oui. Alors, le mec, il a quand même mis sa pub. T'as même son numéro de téléphone, si tu veux l'appeler. Si quelqu'un dit « Ah, mais cette tombe, elle est vraiment originale !» On dirait la tombe du soldat inconnu. « Ah, mais qui a fait cette tombe ?»« Ah, mais c'est les établissements Escand. » À mort de rire. Jean-Paul Sartre, personne ne vient. Ça, c'est la tombe de Jean-Paul Sartre, de Limbrassac, qui n'est pas le Jean-Paul Sartre que tout le monde connaît. Regarde, t'as un cerisier, là. Attends, j'en ai attrapé une. Comment il y a le pain, là, au-dessus de ta tête? Ah, merde. Ah. Okay. Allô maman, midi et demi. Ouais, on arrive. Là on est au cimetière. Elle est très belle. Mais bon, je préfère quand même. Franchement, je préfère te savoir dans ta cuisine. Hein. Papa dans son potager. Parce qu'en fait rien ne presse, non? Oui. À tout de suite, on arrive. Our bark was far, far from the land, when the fairest of our gallant band grew deadly pale and pined away, like the twilight dawn of an autumn day. We watched him through long hours of pain, our fears were great, our hopes in vain. Death's stroke he met with no alarm, and he smiled and died in his messmate's arms. He had no costly winding sheet. We placed two round shot at his feet. We proudly decked his funeral vest with a British flag upon his breast. Our voices broke, our hearts turned weak, and tears were seen on the brownest cheek. And a quiver played on the lip of pride as we lowered him down our ship's dark side. One splash and a plunge, and our task was o'er, and the waves rolled on as they rolled before, and many a wild prayer followed the wave as he sank into a sailor's grave.